avez compris, quand on dit yayo, c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, yayo! Yayo, yayo, yayo! Ouh, ouh, ouh, ouh là là! To become a queen, we're gonna help her to the fire. Princess of the desert, welcome to the woman world. Oh, Merci beaucoup.